avec Fadjet et le GSA. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, auditrices et auditeurs de Fadjet 94.2. Nous revoilà avec l'émission Les bons plans solidaires, organisée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Et d'abord, toute l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui voudrait vous souhaiter une bonne année et vous présenter ses meilleurs voeux de santé, de réussite et de bonheur, parce qu'il n'y a rien de meilleur. Voilà, c'est la quatrième année qu'on démarre, mine de rien, avec notre collaboration avec Fadjet. Nous qui étions partis pour faire juste une émission, pour voir comment c'était de faire de la radio, eh ben on attaque notre quatrième année et ça c'est un grand plaisir. Et on souhaite d'ailleurs tous nos meilleurs voeux aussi à Fadjet pour cette année 2023. Je vais vous présenter rapidement l'équipe qui est autour de moi aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour Lionel, bonjour Radio Fadjet. Bonjour Joël. Bonjour Lionel. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Et bonjour Loris. Bonjour Lionel. Alors nous sortons juste des fêtes de fin d'année. Alors dites-moi la Dream Team, qu'est-ce que vous avez aimé durant ces fêtes de Noël et Nouvel An, Alain par exemple? Ben on avait prévu le chocolat chaud offert par le GSA aux habitants de Vendeuve Est et les résidents du foyer des Jonquilles à Vendeuve et avec l'espace Yves Copain. Et dis-moi alors Alain, ça s'est bien passé? Très bien passé. On a eu assez de monde et on a assez bien rigolé. Eh ben très bien. Alors, et toi Joël alors, pendant ces fêtes, qu'est-ce que t'as fait de beau? Qu'est-ce que t'as aimé? La soirée de Noël solidaire du GSA était vraiment très sympa et le repas était excellent. Ah ah, très bien. Merci aux cuisiniers. Alors, et toi Loris? Bah écoute, nos émissions de Noël ensemble le 24 et 25 décembre, que l'on peut écouter encore d'ailleurs sur fadjet.net. Comme ça fait plaisir de rendre les gens heureux, on a eu beaucoup de retours et plein de gentillesse. Ah, c'est bien ça. Et toi Joël aussi? Bah, le marché de Noël, c'était bien de voir tout le monde heureux et joyeux. On retombe un peu en enfance, ça fait du bien. Alors, je viens de souhaiter de votre part les bons voeux hein, pour tous les auditeurs de Fadjet et aussi pour toute l'équipe de la radio. Et vous, quels sont vos bons voeux pour 2023, Alain? Qu'il n'y ait plus de personnes qui soient obligées de dormir dans la rue. Cela n'est plus admissible dans un pays comme le nôtre. Et toi, Loris? Et bien moi, bah, je souhaite mes meilleurs voeux à Fadjet, et avec lequel nous travaillons déjà depuis quelques années, et qui est vraiment une radio locale formidable. Ça, c'est vrai. Toi, Joël? Que chacun puisse manger à sa faim sans être obligé de quémander de la nourriture dans des associations humanitaires qui font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour aider les familles dans le besoin. Oui, c'est un bon vœu. Et toi, Bertrand? Bah, que les gens prennent le temps de se retrouver pour donner un peu de leur temps, ne serait-ce que quelques heures, dans des associations, les manifestations locales, et retrouvent le plaisir d'être et de faire ensemble. Et oui, ça aussi, c'est très important. Et toi, Alain, tu voulais rajouter un bon vœu? Je fais le vœu que ce tout foutu Covid s'arrête un jour pour que tout le monde retrouve le sourire. Allez, après ces bons voeux et ces bonnes intentions, on va faire une première pause musicale. On va écouter un groupe qui s'appelle les Eagles avec une chanson de circonstance puisque ça s'appelle Funky New York. Allez, on se retrouve juste après. I don't know how. Last night I was a happy Et bien voilà, avec cette musique des Eagles, on attaque la deuxième partie de notre émission. Vous êtes toujours bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Les bons points solidaires du groupe solidaire actif de l'association Aurélia. Alors, les fêtes de fin d'année sont bien sûr des moments festifs hein, et familiaux souvent, mais aussi des moments de surconsommation de tout. Alors on empile et on empile et on empile encore. Voilà quelques exemples pour éviter de trop empiler ses greniers et ses caves. Bertrand, t'as travaillé sur le sujet, c'est à toi. Oui, alors pour recycler les cadeaux de Noël qu'on vous a offerts et qui ne sont pas utilisés, il existe donc chaque année des dizaines de milliers de cadeaux de Noël qui finissent chaque année dans les placards ou le grenier dès le mois de janvier. Alors qu'il y a pas mal de solutions pour s'en débarrasser si on les aime pas, c'est leur donner une deuxième chance. Il suffit pour cela de les donner à des associations caritatives ou éventuellement de les vendre sur Internet. Et puis maintenant, si vous avez des amis que vous n'aimez pas du tout, vous pouvez leur donner... au fur et à mesure de l'année, leur faire un petit cadeau. Voilà. Et toi, Joël, toi aussi, tu as une bonne idée de recyclage, notamment pour les sapins de Noël. Bah, plutôt que de les jeter, les amener à la déchetterie ou leur donner au magasin qu'ils les reprennent. Oui, il y a des magasins de bricolage, ça il faut le savoir, il y a des magasins de bricolage qui aujourd'hui récupèrent tous les sapins de Noël, hormis le magasin où vous l'achetez, peut-être que lui-même le reprend, mais toutes les grandes surfaces de bricolage reprennent les sapins qui vont être recyclés pour en faire du bois. Voilà. Et toi Loris, tu as aussi une bonne suggestion. Moi ça concerne les jouets, donc achetez vos jouets pour l'année prochaine maintenant et dès maintenant, du 26 décembre à fin janvier. De nombreux jouets sont en promotion ou bradés dans les magasins jusqu'à 80%. Vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous faire plaisir l'année prochaine à un coût défiant toute concurrence dans les grands magasins spécialisés, les solderies ou les grandes distributions. Ça, c'est un bon plan. Et toi, Bertrand ? Eh bien, c'est le moment de faire de bonnes affaires durant tout le mois de janvier avec la période des soldes. Il faudra faire bien sûr attention aux soldes déguisés qui sont en fait des produits fabriqués pour les soldes et uniquement pour les soldes et qui sont moins chers que de moins bonne qualité. Mais ce ne sont pas des vrais soldes, des produits qui étaient vendus de bonne qualité et qui dont les prix diminuent. Bon, c'est une bonne période par contre, en revanche, du moins pour les achats de petits électroménagers, informatiques, mobiliers, déco et même du matériel de bricolage. Pour les vêtements, hormis dans les enseignes de marques réputées, il y a de moins en moins de bonnes affaires. Un bon conseil, si vous trouvez une bonne affaire, allez tout de suite sur Internet, chez notre ami Google, parce que tout le monde sait que Google est notre ami, et entrez le nom du produit et sa référence. Et puis vous allez ainsi pouvoir faire jouer la concurrence et voir si les prix sont vraiment intéressants ou pas par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet et dans le magasin. Alors, attention toutefois aux signes de vente en ligne qui sont peu connus, il peut y avoir des arnaques. Et donc vérifiez le sérieux du site en regardant s'il y a une adresse indiquée, un numéro de téléphone, numéro de Siret, si le site est bien en France, etc. Parce que souvent, on ne dit pas assez, ça peut arriver qu'il y a des sites pirates en fait. On croit acheter un fournisseur français et puis en fait une fois qu'on a payé, on s'aperçoit que c'est un chinois qui vous envoie des copies tranquillement. Oui, il y a vraiment plein d'arnaques, il faut se méfier. Allez sur les sites des grandes enseignes, là vous avez quasiment aucun souci, mais des noms pas connus, attention. Faites gaffe. Et toi, Loris, tu as à nouveau aussi un bon plan à nous donner pour janvier. Alors oui, pour la période de janvier, c'est aussi une bonne période pour la culture, les opérations promo dans les cinémas, les réductions pour des spectacles dans les centres culturels, soldes sur les CD, DVD, livres ne manquent pas. Certains restaurants pratiquent aussi tout début janvier des offres promotionnelles. Il faut bien vendre les invendus de décembre. Bref, le monde de la culture, les commerçants et industriels savent bien que les Français sont fauchés après les fêtes. Alors il faut en profiter et même tout négocier sur tout. Les vraies bonnes affaires sont à ce prix-là. Quelques sites, nous avons lesradins.com, billetsreduc.fr, l'internaute.com, offresesaisir.fr, laminute.com pour partir quelques jours, même dans la région, et d'autres s'y sont bien utiles à cette période, mais aussi toute l'année, mais moins intéressants, bien sûr. Je reprends juste deux sites que tu as mal dit, pour ça qu'on se trompe, que les auditeurs ne se trompent pas, c'est offresesaisir.fr et lastminute.com. Mais beaucoup aujourd'hui, les internautes connaissent ce site-là. Eh bien, merci à tous pour ces bons plans. Il est l'heure de maintenant de faire notre deuxième pause musicale, un titre qui a 40 ans tout pile, c'est U2 avec New Year's Day. Ça tombe bien, on est à Nouvel An. Allez, on se retrouve juste après. Après cette chanson, on se retrouve pour la troisième partie des bons plans solidaires du GSA. Vous êtes toujours bien sur Fadjet 94.2. Priscilla devait nous rejoindre ce midi pour pouvoir nous expliquer une chronique. Elle a eu malheureusement un empêchement de dernière minute. Je vais essayer de me débrouiller pour la faire à sa place. Alors, comme beau plan en janvier, elle avait pensé à vous expliquer, chers auditeurs, ce qu'étaient deux dispositifs. Le premier s'appelle Tremplin Sport et le deuxième s'appelle A3S, qui d'ailleurs travaillent souvent ensemble. Alors, Tremplin Sport est une initiative du comité olympique départemental français, donc qui est situé à Nancy, et qui propose à toutes les personnes qui sont allocataires du RSA et chômeurs de longue durée de faire des initiatives à des activités sportives. Alors, je vous rassure, les JO sont en préparation. L'objectif, c'est pas de trouver les prochains athlètes pour les JO, simplement se faire du bien, se détendre et reprendre un peu d'activité sportive. Alors, ils ont plein d'activités sportives qui va du tennis de table au bowling, même à la pétanque, au volleyball, des sports co, des sports individuels, l'escrime, etc., etc. Et les personnes qui s'y inscrivent pour une durée de 3 mois à raison d'une séance par semaine. Et puis au bout de 3 mois, ils peuvent prolonger ou faire une autre activité. Voilà, c'est complètement gratuit. Il suffit pour ça d'être allocataire du RSA ou d'un minimum social. Pour les contacter, il suffit de prendre contact avec le CDOS à Nancy. Vous verrez, ils ont un site internet et Tremplin Sport a aussi un article dans ce site-là et vous les retrouverez aussi, Tremplin Sport, sur Facebook. Voilà, le deuxième bon plan, c'était A3S. Alors A3S, on connaît bien puisque ça fait partie de notre association Aurélia et c'est Abdel et Eric qui animent cette activité depuis maintenant de nombreuses années. Et A3S veut dire Aurélia, sport et santé. Parce que non seulement le sport fait du bien pour se remobiliser et pour être en forme, mais aussi participe à avoir une meilleure santé, puisque quand on fait quelques efforts, et bien tout de suite, on se sent mieux. Alors A3S fonctionne tous les matins, tous les midis plutôt, entre 12h et 13h, et s'adresse à toutes les personnes qui sont allocataires du RSA ou qui sont suivies, accompagnées, hébergées par l'association Aurélia, ce qui fait beaucoup de monde, et même les gens qui travaillent dans nos ateliers. Et donc tous les midis, les personnes peuvent se retrouver dans une salle de sport qui est aménagée pour eux, un dojo, où on peut faire du vélo d'appartement, un peu de muscu, quelques exercices, mais on peut faire aussi des sports de combat. Abdel est un ancien compétiteur international. Eric a fait de multiples compétitions dans ces domaines-là. Donc, si vous voulez vous initier à la boxe, au self-défense, il y a par exemple un groupe de femmes qui travaillent avec Eric et Abdel sur le self-défense pour pouvoir se défendre en cas d'agression. Voilà, si vous voulez faire de la muscu, etc., eh bien, il faut prendre contact avec eux. Vous allez sur le site d'Aurélia et vous cherchez dans la rubrique activité sportive et sociale, vous verrez A3S et vous aurez les coordonnées de Eric et Abdel. Voilà, c'est ce que Priscilla voulait nous dire. On la remercie d'avoir pensé à parler de ces deux belles actions. Oui, Bertrand, tu voulais me poser une question. Oui, je trouve que c'est bien gentil de nous inciter à faire du sport, mais enfin, quand on est au RSA, par exemple, ou qu'on n'a donc vraiment pas beaucoup de moyens, on n'a pas non plus les moyens d'acheter du matériel. Donc, est-ce que ces associations fournissent ou peuvent aider à fournir des kimonos, des gants de boxe, des baskets, etc. Voilà. Complètement. Alors, c'est bien le but. Hein. Après, comme je dis, c'est de l'initiation. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une tenue de judoka des Jeux Olympiques. Mais il faut quand même un kimono, comme tu dis. C'est important. Donc, tout ça, que ce soit à travers Tremplin Sport ou à travers A3S, le matériel, les gants de boxe, les kimonos, les chaussures de frappe et tout le matériel qui va avec est fourni gratuitement. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Oui, ça c'est important à dire. Et il faut savoir aussi, parce que ça c'est aussi important, lorsqu'une personne commence à se passionner d'un seul coup après une initiation, se dire, oh bah tiens, tel sport, ça m'intéresse, et bah, que ce soit Tremplin Sport ou que ce soit Eric et Abdel, ils vont mettre la personne en relation par exemple avec un club de sport, le club de l'activité sportive que la personne a envie de faire, et vont aussi lui permettre d'avoir une adhésion au club à petit prix. Voilà, ça aussi c'est... Alors c'est pas gratuit, mais le prix va être considérablement réduit grâce à l'intervention des collègues et de l'équipe de Tremplin Sport. Voilà. Eh bien, on arrive déjà tout près de la fin de notre émission, mais pas avant de faire et de poursuivre ce qu'on faisait déjà l'année dernière, c'est-à-dire notre petit jeu des anniversaires des célébrités qui sont nées en janvier. Alors, l'équipe, vous êtes prêts pour jouer ? Prêts, oui. Alors, c'est parti. Je suis un artiste anglais, né le 30 janvier 1951 dans la banlieue de Londres. J'ai commencé très jeune une carrière professionnelle de batteur, influencé par la musique soul. Mon premier groupe s'appelait Freehold, puis Ikroki. En 1970, j'intègre le groupe Genesis, au départ de Peter Gabriel. Donc je deviens le chanteur du groupe, par défaut. Le groupe devient un des groupes leaders dans le monde des années 80 et 90. J'en profite pour démarrer une carrière solo, où mon premier disque sera un succès international et colossal, avec un titre qui fera le tour du monde et qui s'appelait « In the Air Tonight ». Mon succès ne se démentira jamais, tant avec Genesis qu'en solo. Je suis... Inconnu. Non. Vous ne trouvez pas je vous donne la réponse. Le prénom, c'est quoi? Phil. Collins. Ouais, Phil. Ah, je ne l'avais pas. Oh. Allez, le deuxième. Vous êtes chaud, là ? On y va. Non, chaud patate. Alors, je suis né le 28 janvier 1953 à Paris. Je quitte les études avec un CAP d'électrotechnicien et j'enchaîne des petits boulots, dont animateur en maison de retraite où je raconte des histoires. Je prends confiance en moi pour aller jusqu'à monter sur scène comme humoriste. Tu as une idée, Alain ? Coluche ? Non. En 1977, je fais ma première apparition au cinéma dans le film intitulé « Comment se faire réformer ?» Un nanar. Je continue à progresser et je serai nommé au César pour deux films, « Ciao Pantin » en 1983 et « Itinéraire d'un enfant gâté » en 1989, où je joue avec Jean-Paul Belmondo. Ouais. J'ai tourné en tout 40 films, dont « Camping 2 »,« La vérité si je mens » et bien d'autres. Je suis... Je vous dis le prénom ? Richard... Anconina. Voilà. Comment ? Richard Anconina. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah ben voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple ? Ah, non, mais c'est un exemple autre... saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà, cœur plongé. Il faut que je ne fasse rien ? Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi Pas trop. C'est parti. À ce coup-ci, vous êtes chaud. Je suis né à Bourganeuf, dans la Creuse, le 6 janvier 1949. Je viens donc d'avoir 75 ans. Je suis DJ à 19 ans, à jouer les pas au whisky à gogo. Après une tentative de suicide, sauver une extrémiste et une initiation aux drogues avec un milliardaire, je commence ma carrière dans la création de pubs avec Ovomaltine, c'est de la dynamite, ou Vas-y Vaza. Où la paire, il n'y en a pas deux. C'est moi qui crée ces slogans. Je rentre ensuite dans la presse, puis à la télévision. Dans les années 80, avec un look reconnaissant, produisant des émissions et animant ces émissions de divertissement à scandale, comme Carte Blanche, Bain de Minuit et surtout Lunettes Noires pour Nuit Blanche, dans le style très provoque. Thierry Ardisson. Oui, Thierry Ardisson. Oh, bravo Bertrand. Et le dernier. Alors là, ce coup-ci, j'espère que vous allez trouver... Parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Allez, je suis né de parents immigrés hongrois le 21 janvier 1947 à Drancy, près de Paris. Je quitte l'école à 15 ans sans vraiment savoir ce que je veux faire dans la vie. La peinture et le théâtre m'intéressent, mais je deviens le pianiste de Vigon et les Lemons, début des années 60. Je fonde le groupe King Set en 65 avec Alain Goldstein à la guitare. En 78, je travaille pour l'album de François Hardy. Mais mon premier succès, qui me fait passer à la télé, remonte à 74 avec un album comportant des chansons dont On allait au bord de la mer et Super Nana. Le succès continue à grandir avec l'album Univers Luni en 83, entouré d'artistes réputés comme Jean-Yves D'Angelo, Manu Katché, Camille Rustam. Je suis sacré victoire de la musique pour cet album en 1984. et la chanson principale, les chansons principales seront Joueurs de blues et la boîte de jazz. Je continue à 70 ans à me produire sur scène, en concert comme au théâtre, et mon prochain album sortira le 27 janvier, donc de ce mois, dont le titre phare sera Fais du blues, fais du rock'n'roll. Le prénom c'est Michel. Galabru. Jonas. Oui, Jonas. Oui. Je le savais, mais si t'en as marre que la vie te prenne pour un punching ball, fais du blues, fais du rock and roll. Parle du soleil qui se lève ou de la version d'impôt. Fais du blues, fais du rock and roll. Eh bien voilà, on arrive maintenant au terme de notre émission, des bons plans solidaires. Je voudrais remercier Loris. Bah, merci à toi surtout. Merci de ta venue, merci Alain. Merci Lionel et bonne année. Merci Joël. Merci Lionel. Et merci Bertrand. Merci à tous. Voilà, prenez soin de vous, soyez heureux, il n'y a rien de mieux. Et puis on va retrouver dans quelques instants le Très en forme et la suite des programmes de Fadjet. Nous on se retrouve le mois prochain, même endroit, même heure. A très bientôt. Bye bye. Ciao ciao. Fais du blues, fais du rock and roll. Qui se prend pour une poule, d'une poule qui miaule, mais fais du blues, fais du rock and roll, fais du blues, fais du rock and roll, allez, fais du blues, fais du rock and roll, allez, fais du blues, fais du rock and roll, fais du blues, fais du rock and roll. Fed your rock and roll.